Bonsoir petits et grands, et oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un leurre de la machine à son, c'est l'heure. Alors comment allez-vous? Malgré ce... Ah, il y a un barbu qui a laissé des poils de barbe sur le micro, c'est sympa quand même. Allez, ouais. Enfin, bref, voilà, comment allez-vous? Un peu frais j'imagine, bah oui c'est ça, ouais. Et là vous êtes sans doute bien emmitouflé, tranquillement installé à écouter la machine à son, soit par hasard, soit par choix, soit par comment on dit quand on n'a pas d'autres solutions dans la vie. Il y en a peut-être qui écoutent la machine à son comme ça, mais on les sauve chaque mercredi avec le professeur. Bon, le professeur est en forme, donc du coup si l'idée que vous aviez c'était d'écouter la machine à son tranquillement installée sur le sofa avec le plaid et le chat allongé, eh bien non, il va falloir vous lever quoi qu'il en coûte et se remuer, puisque le professeur là il est comme il s'est un peu gelé, et oui dans sa caverne il maintient quand même une température assez fraîche, vu que le seul chauffage qu'il ait, il m'a dit qu'il était central, mais c'est une bougie en fait posée au milieu, dans, voilà, et soi-disant que ça émane et ça chauffe petit à petit, donc il change la bougie régulièrement. Franchement, je suis passé vite fait, c'est un peu l'enfer quoi, il y a déjà de la buée quand on parle, enfin c'est... Bon, lui il me dit que pour les disques c'est ce qu'il y a de mieux, voilà, au moins comme ça il ne souffre pas de l'humidité, de machin, bon, etc. C'est vrai que sa grotte n'est pas humide, ça il faut le reconnaître. Mais du coup il se pèle, donc là en fait depuis qu'il fait froid il fait que danser autour de sa bougie chauffage central, donc il m'a dit bah, ce soir là voilà, faut que je partage et tout ma joie cosmique avec nos amis des ondes, donc du coup faisons une émission où on va les faire danser un peu. Alors bon, moi j'ai dit attention, c'est pas trop ma spécialité ça de faire danser. Il m'a dit t'inquiète, je m'en occupe, donc bon on va voir. Il m'a fait m'a tout préparé comme il faut pour une fois, c'est bien. Voilà, bravo professeur, je tiens à le dire, il est tout rouge, mais bon. Et oui, il est un peu timide quand même, vous vous en doutez bien, c'est pour ça qu'en fait il me prend comme porte-parole, l'animal. Donc voilà, on va commencer tranquillement par une petite... Oui, ça a été un conflit, mais heureusement, comme le sujet c'était pas ce style de musique, celle dont je vais vous parler, que vous allez entendre au début, mais voilà, le professeur il voulait absolument, parce qu'il a rencontré un mec assez fantastique, un chrétien qui fonctionne souvent il rencontre des chrétiens qui fonctionnent avec des produits un peu hallucinants, hallucinatoires et tout ce qu'on veut, et bref là ça s'appelle comment il s'appelle, attendez je vais le voir, oui, parce qu'il m'a amené son disque évidemment, Raynor, bon. Ok, et mais c'est un peu de, c'est vraiment super naze en fait quoi. Donc du coup vous aurez juste au début pour lui faire plaisir et puis pour voilà initier un petit peu cette soirée où vous allez pouvoir vous réchauffer en dansant avec le professeur. Vous inquiétez pas, il est partout, donc il sera près de vous. Allez, c'est parti, jetez la couette. Il est des personnes qui rencontrent sur leur chemin un sanctuaire secret. Je dédie cette chanson à Raymond Bernard. Je me procure de jolies morts qui ne viennent pas de l'eau. l'autoroute. Un grand coup sur le crâne et ni vu ni connu, je les traîne jusque chez moi. Aujourd'hui dans ma cave, j'ai de quoi fabriquer autant de monstres que l'on voudra. Je suis l'arrière petit fils de Frankenstein, j'ai monté une affaire extra. Je reçois des commandes du monde entier et des subventions de l'État. Je suis l'arrière petit fils de Frankenstein, je travaille jour et nuit. Et bientôt mes petites productions vont sortir en grande série, vont sortir en grande série. Dès que j'ai un petit moment pour moi-même, je me fais une douce violence. Je construis un être comme je les aime, tout en beauté et en puissance. Quand l'éclair jaillit, quand la scie debout, je ressens un sentiment curieux. Quand ma créature est là, devant moi, debout, je me sens comme un dieu. Je sais alors que mon petit-fils dira de moi, c'était un génie. Mais voyons notre petit animal domestique. Viens mon mignon, viens. N'est-il pas gentil ce petit monstre poussi. Je suis l'arrière petit-fils de Frankenstein, j'ai monté une affaire extra. Je reçois des commandes du monde entier et des subventions de l'État. Je suis l'arrière petit-fils de Frankenstein, je travaille jour et nuit. Et bientôt mes petites productions vont sortir en grande série, vont sortir en grande série. Oh, mon Dieu, ça ne devait pas arriver. Jonas, où est passé ce petit diable? Jonas, ma batterie est déchargée. Jonas, ma batterie est à plat. Jonas, je n'ai pas de batterie de rechange. Jonas. Eh bien, ça grésille, hein. Merci professeur, hein. Encore une fois, soirée au coin du feu. Bon là, il est chaud bouillant, hein, chaud bouillant. Et comme il est devenu tout rouge, tellement il s'est excité et tout machin, parce qu'il s'est légèrement chauffé à la radio, donc ça lui fait un petit choc thermique quand même avec sa caverne. Et du coup, je dis non, mais quand même, prenez votre température, professeur, quand même, parce que là, je commence à m'inquiéter. Et il m'a dit, 120. Oh, 120 de fièvre, il n'y a que le professeur qui peut faire ça. Moi, mon chéri. begging, a bottle of wine. He leaves me moaning all evening long. He puts me right down here. He holds me right down here. Keeps me right down here. Can't get him off my mind. Cannot live without. He keeps me on the wind. He leaves no roads open all day long. He puts me right down here. He holds me right down here. He keeps me. Keeps me. Holds me, holds me, holds me, holds me now. La tête à l'envers, oui, elle nous a mis aussi un peu la tête à l'envers. On dirait un peu une Mireille Mathieu qui aurait pris des substances aphrodisiaques. Dans la machine à son, tout pour la danse. Hey!

ça, c'est la question. So what? Thank you. right now. Yeah, that's true. Listen up. Façon comme si vous étiez dans la salle. Ah ouais, si je montais le son, ça serait peut-être mieux pour vous. Donc je disais que c'était une petite pause, comme si vous étiez dans l'ascenseur en train de monter, etc. Oui, je sais que en fait ça vous est vachement égal ce que je raconte. marche bien, après tout c'était fatal. Si pour toi je ne suis plus rien, c'est ma faute et c'est normal. Crois-tu que je vais pleurer et te prier de rester? Tu peux t'en aller dès que tu voudras. Ça m'est bien égal, je m'en fiche pas mal. Ça m'est bien égal si tu t'en vas. Ça m'est bien égal, je m'en fiche pas mal. Et oui, même dans la machine à son, les histoires d'amour ne se finissent pas toujours très bien. Je me suis étalé en plein sur l'étalage. Elle m'a laissé tomber du quatrième étage. Je prends sur le cigare mes disques et mes bouquins, mes 40 copains, le livre de cuisine et une boîte de Kleenex. Je suis sur le pavé, dans mes larmes je nage. Elle m'a laissé tomber, voyez, je déménage. 12 roses fanées et plate autour de moi. Pourtant c'était l'été, j'étais un peu chez moi. Les femmes. Elle m'a laissé glisser le long de l'échafaudage. On descend bien plus vite qu'on monte les étages. J'étais pourtant très bien. Cuisine et salle de bain. Le ciel et le compteur étaient de la même couleur. L'histoire finit mal. J'aurais besoin de vous et de tout mon courage. Elle m'a laissé tomber, je suis en plein naufrage. Depuis 2 jours déjà, elle était tout pour moi. C'était un peu ma mère, je remords la poussière. Je suis un orphelin. Quand même, le mec, c'était un peu ma mère, sans déconner. Vraiment, les mecs, pour qui ils se prennent. Eh bien, incroyable hein, quand même cette émission de danse. Bon, je ne sais pas si vous avez dansé tout le temps, mais peu importe, c'est pas grave. Le principe, c'était que vous soyez avec nous, le professeur et moi. Lui, il a beaucoup dansé, donc il a dansé pour vous. En fait, je voulais dire autre chose de plus subtil, mais j'ai oublié en le disant. C'est dommage. Eh oui, c'est ça. C'est un peu le problème des gens comme moi qui parlent peu. Donc voilà, on n'est pas habitué à tout ça, quoi. Bon, ben, là on a un petit peu de temps, pas beaucoup de temps, mais allez, je vous mets un petit fond sonore que vous n'avez pas eu en entier. Stelvio Cipriani, Magia Nera. Non, voilà, ça sera très bien pour annoncer la fin. Enfin, annoncer ce que vous avez entendu. Voilà, bref, la playlist, la tracklist, la liste, etc. Donc en dernier, The Prime Movers Blues Band. Avec Iggy Pop au chant, donc un groupe d'avant qui soit Iggy Pop, voilà. Il était juste chanteur, batteur, mais déjà, batterie, bon, je ne suis pas spécialiste, mais chant, pas mal. Avant ça, Dupré, elle m'a laissé tomber du quatrième étage. Je regarde l'heure quand même, ouais, bon, ça va. Gianni Mazza Sospesi nel Traffico, un peu instrumental casse-couille, mais sympa quand même. un groupe de Zambie. Pas souvent quand même que le professeur il me ramène de la musique de Zambie. Peace, Black Power, super morceau. The Capitals, juste avant We Got Things That's in the Groove. Après j'ai un peu tout mélangé, alors je sais plus trop parce que j'ai pas tout noté au fur et à mesure. Mais bon, il y a eu The Lyrics, groupe de garage super bien. Ça fait X. Les chênes noirs. Théâtre du Chêne Noir, les oiseaux, voilà la petite minute ornithologique, là il va falloir que j'arrête. David Martial, The Daylighters, Robin Orchestral, Christine Monsoni, Sexedelic, Kim Foley, Jenny Rock, et attendez, je remonte le papier, Wilfried Dupont de la Carpe, alors ça c'était fantastique quand même, l'arrière-petit-fils de Frankenstein. Allez, bonne nuit. Thank you.